Dernière petite demi-heure à passer ensemble, celle de l'Ouest canadien, la musique de l'Ouest canadien, bien sûr. Et comme à l'habitude, hein, pour les 25 ans de Canrock, on va commencer ça avec une chanson souvenir de Ariane Marie Clomire. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de ses nouvelles. Que fait-elle? Nous prépare-t-elle un album francophone qui va sortir bientôt? On va mettre un homme là-dessus, on va le savoir. Donc, tiré de son album Double Entendre, hein, parce que son premier album, si je ne me trompe pas, Double, c'était des chansons en anglais et Entendre, des chansons en français. Et là-dessus, il y avait un méchant verre d'oreille, je vous le jure. Je ne suis pas responsable. C'est instantané, ça va vous rester dans la tête longtemps, vous allez voir. Excellente chanson. Cette semaine, il y a un copain à moi qui m'a fait découvrir un artiste de Fort McMurray, Jean-François Roy, J.F. Roy, qui nous propose une chanson très rock'n'roll, pop-rock, assez solide. C'est la pièce « Maintenant, je sais ». Très, très bonne pièce. Je ne sais pas s'il y a un album qui s'en vient puis qui va être comme ça, mais si oui, ça va être très intéressant. Je vous envoie ça comme nouveauté. « Maintenant, je sais » de J.F. Roy. Et tant qu'à être dans les nouveautés, malgré que ça fait quand même un mois que c'est sorti à peu près, c'est l'album de Paul Cournoyer, l'album Détroit. Sur cet album-là, il y a une chanson qui m'est très favorable en ce moment. Je manque d'air. C'est ce que j'ai en ce moment avec la bronchite que j'ai. Je manque souvent d'air. Donc, on va écouter cette chanson-là avec grand plaisir. Mais avant, une auteure, compositrice, interprète que j'adore énormément, femme très sympathique, très charmante, Ariane Maric Lemire. Et on y va avec la chanson « C'est instantané », tout simplement comme ça. Juste le claquement du clavier, la PC de l'ordi parler. Une touche et le message est envoyé. Rien à faire, rien à reprendre, c'est instantané. Je m'ennuie du papier, de la séduction du stylo, de voir paraître les patrons d'encre quand la feuille laisse faire la plume qui s'abandonne à ses avants. Je m'ennuie des petits gribouillis dans les marges, des pattes de mouche qui me chantent l'amour, du battement accéléré en voyant arriver le courrier. Envoûtement, en vous, foudroiement, plus de pages, plus de pages, plus d'images, trace tes faces, tache de larmes, toute une histoire sans raconter. Maintenant, reste juste le claquement mécanique, plastique, du clavier. Rien à faire, rien à reprendre, c'est instantané. Les échos de la rue portent à ma résolution. colorie se propage et la noirceur t'as pris le chemin le plus court entre jamais et pour toujours je peux rien y faire ici du côté des vivants les saisons s'écoulent tranquillement mon frère mon frère. Je manque de sans toi ce soir. Reviens sous terre pour que je puisse te voir. Tu reconnaissais ton avenir dans ton air qui gronde. Sous les étoiles, je n'attends plus, mais j'entends toujours ta voix perdue dans l'autre monde, dans l'autre monde. Et je manque de sans toi ce soir. Je l'entends dans le vent qui souffle sur la plaine. Au fond de moi, j'espère seulement que tu trouveras ton éden. Aide-moi à respirer, je voudrais respirer. Aide-moi à respirer, je voudrais respirer. Manque d'air, c'est mon cas avec ma bronchite que j'ai en ce moment, mais ça ne m'empêchera pas d'être avec vous pour vous offrir l'excellente musique franco-canadienne. Et là, je vais vous offrir une chanson un peu musique du monde. C'est un produit que j'ai reçu lors du dernier gala des Prix Trior. Et c'est tout simplement Christian de la Luna de l'Alberta. Lui aussi se retrouve dans tout simplement dans les choix des Canadian Folk Music Award. Il est dans la section Artiste de l'année, Musique du monde solo. Il est en compétition avec beaucoup de monde, Ben Kaplan, Roberto Lopez, Wesley aussi. Donc c'est une grosse compétition. Mais je suis confiant pour Christian de la Luna, en tout cas, du moins, je l'espère pour lui. Il est là pour son album Sabe, et on va entendre la pièce, comme je vous dis, elle, très belle pièce francophone, vous allez voir. Par la suite, on va entendre une chanson du duo Manitoba-Nouveau-Brunswick, la formation Beau Séjour, qui vont nous offrir Paul et Marie-Paul. Ça aussi, c'est un verre d'oreille, je vous ai prévenu. Vous allez voir, c'est une très belle chanson, comme ça, de leur album Beau Séjour. qui en fait Jocelyn Baribeau du Manitoba et Danny Boudreau du Nouveau-Brunswick. Ensemble, ils ont formé ce groupe-là et c'est vraiment très intéressant. C'est un album à se procurer absolument. Allez mettre la main là-dessus. Faites beau séjour sur l'Internet, vous allez découvrir. Excellent album, country. Si vous aimez le country, c'est merveilleux. Donc, on va entendre ça dans quelques instants. Et on va terminer avec une de mes favorites de Cristal Plamondon, Sa Belle du Rodéo. Ça terminera l'émission comme telle. Mais pour l'instant, voici Christiane de la Luna. Elle savourait la danse, rimes immortelles. Elle a pris la cadence avant d'ouvrir ses ailes. Parfois elle se promet. Money, money, money, money, money, ne pouvait pas s'empêcher de s'aimer et d'être entrelacé. Paul et Marie-Paul, Marie-Paul et Paul ne pouvaient pas se séparer, ne pouvaient pas se quitter sans se donner un autre dernier baiser, ne pouvaient pas se quitter sans se donner un autre dernier baiser, ne pouvaient pas se quitter sans se donner un autre dernier baiser. Elle était sa belle du rodeo, 60 ans et on partage. Quand t'aimes ton homme comme un héros, 60 ans c'est vite passé. À 41 au ranch est arrivé un petit jeune de 21 ans. Tout ce qu'il voulait c'était de travailler. Elle avait 16 ans, cheveux roux, piquants. Son père dit reste loin des cowboys, avec un cowboy t'auras pas de vie. Oh ce qu'il aime le défi, maman aima ses yeux. Il se promène à cheval le dimanche après-midi. Elle était sa belle du rodeo, 60 ans et on partage. Quand t'aimes ton homme comme un héros, 60 ans c'est vite passé. Il a volé le cœur de la fille du fermier. En 44 ils sont mariés. Dans son costume bleu et sa selle d'argent, au rodeo ils sont allés. Et la lune de miel a commencé. Ensemble, ils ont travaillé pour gagner leur vie. Il y avait toujours un but, de vivre la vie aussi longtemps que Dieu leur a permis. Elle était sa belle du rodeo, 60 ans et on partagé. Quand t'aimes ton homme comme un héros, 60 ans c'est vite passé. Il y avait toujours l'amour dans leurs yeux. Il a dit c'est temps pour moi de partir. Je peux pas lutter si je me tiens plus debout. Elle a dit ne pars pas, je ne veux pas vivre sans mon meilleur ami. Elle était sa belle du rodeo, 60 ans et on partageait. Quand t'aimes ton homme comme un héros, 60 ans c'est vite passé. Quand t'aimes ton homme comme un héros, 60 ans c'est vite passé. Voilà cette belle musique-là de Crystal Plamondon, une de mes préférées de Crystal. Je pense que c'est l'histoire de ses parents en passant.